Naked sur la plage, je suis né poussière. Maintenant ma base couvre la terre. Cowboy venu d'un temps ancien, dans rue je règne, je trace mon chemin. Les C4, les flammes s'allument. Dans l'air salé, les cris se consument. Chaque mur tombe, chaque porte cède. Mon cheval d'acier hurle sous mes raids. Les tourelles hurlent, les balles me frôlent. Les claniques fuient, leurs rêves s'écroulent. Dans la poussière, j'avance encore. Cowboy de feu, is burning iron chains, rider skill carved in flame. Every clan will know my name. Tiens la porte, vise le toit. Reload, partner, ils n'ont plus de foi. Deux voix s'élèvent dans la fumée. Far West terroristes sont mariés. Chante en chevauchant. Ride the raid, the cowboy reigns. Rust is burning iron chains. Rider skill carved in flame. Every clan will know my name. Ils croyaient tenir leur forteresse, mais l'Ouest revient avec tendresse. Un assaut d'explosifs dans la main. Cowboy cruel, c'est mon destin. Les murs s'écroulent, la lune éclaire, leurs cris s'éteignent dans la poussière. Dans ce chaos, je prends ma place. Cowboy de Rust, j'écris ma trace. Chains, rider skill carved in flame. Every clan will know my name. Sur leurs ruines, mon chant s'élève. Rider skill règne et rien ne s'achève.